Si vous voulez écouter des artistes du top 5, du top 100, du top 200 des meilleures ventes françaises, filez, car dans Radio Le Zinc, nous sommes amoureux de OPA, mais également de Bertrand Betch et surtout de ses vents contraires. Nous avons affronté les vents contraires, nous avons lutté tout nu dans la boue, nous avons marché sur des bris de verre, nous nous sommes frottés aux caresses des fous, et pourtant nous sommes toujours debout, nous sommes encore debout, et nous tenons le coup. Nous avons reçu des jets de pierre, nous nous sommes battus contre la terre entière, nous avons perdu tous nos soldats, nous avons perdu jusqu'au sens du combat, et pourtant nous sommes toujours debout, nous sommes encore debout, et nous tenons le coup. Nous avons rampé sous des nuits gelées, les pluies ont rangé nos yeux délavés, nous avons traversé le pont des noyés, des rêves enragés nous ont déchirés, et pourtant nous sommes toujours debout, nous sommes encore debout, et nous tenons le coup. Nous avons couru jusqu'à perdre nos pas, nous n'avons jamais su prendre le bon train, nous n'avons jamais cru que nous avions le choix, nous sommes devenus des cris dans le lointain, et pourtant nous sommes toujours debout, nous sommes encore debout, et nous tenons. Radio Le Zinc, c'est une petite troupe avec des potes qui reviennent nous voir pour nous partager leur façon d'imaginer notre monde. Et Pierre Cravant est l'un d'eux. Il arrive tout de suite avec son sucre et son néant. Échappé du désastre, tu souris aux nervures des feuilles. Les astres soulagent tes blessures. Tu ne sais que le temps qu'on passe à la ramasse, dans le doux battement d'un cœur de femme lasse, et ta propre fatigue lui paraît dérisoire, et son futur endigue les flots de ta mémoire. Et dans les interstices, le sucre et le néant dessinent l'abysse qui s'ouvre en toi béant. C'est que le temps de la passion muette, de l'orage de sang qui dort sous ta luette, et l'eau de ton discours ruisselle entre ses doigts, et le silence autour provoque son émoi. We'll be right back. dévorer tes lèvres. De connaître le temps liquide où tout s'oublie, dans le doux claquement des draps que l'on déplie. De partager encore l'amertume salée de la saveur des corps inondant ces vallées. Et puis finalement, le silence et la nuit t'enlacent. Le temps qu'on croyait mort d'ennui. S'enfuit. Radio Lezinc adore cette douceur sucrée que Pierre Cravant arrive à nous offrir, que ce soit dans le sucre et le néant que nous venons d'écouter, ou encore dans l'intranquillité qui arrive à présent. Ces balades sous les yeux, aux contours mal découpés, dans ces regards incertains, pour un oui, pour un rien, des sourires indécis, pour un rien, pour un oui. Seuil de tous les espoirs, qu'on peine à écrire. Parmi de tous les espoirs, seuil de tous les désirs. Comme tous les jeudis entre 17h et 18h, vous vous baignez dans la musique de Radio Le Zinc au 104.6 de RVR. Des mots comme des claques, tout volera, c'est certain. Une balle sans impact, pour moi, ça ne sert à rien. Compris, ce soir, pas de nouveaux potes dans Radio Le Zinc, on s'appuie juste sur les artistes qui sont déjà dans nos playlists. Clou à l'instant. Et à présent, voici la jeunesse dorée de Baron Baronne. Assurément sûr d'avoir toujours un doute. J'assume pas très bien mes idées dissoutes. J'ai des problèmes qui me déroutent et le bon sens, j'en ai plus rien à foutre. Dans mon petit pull couleur Montalo, j'aime à croire que ça me suffit pour être une fissure. Un habit conditionne ton mental. Oh, dans le système des apparences, y'a comme des fissures. Fils et filles de cette société, on se crée même des soucis en été. Daron Daron nous ont transformés en baron baronne, pouvoir tout maîtriser. C'était aussi douce que la jeunesse dorée de Baron Baronne, mais également rock, avec le Bazar Bellamy de Monsieur Georges. Une chanson inoubliable à bouleverser le paradis et puis le diable. J'aurais voulu t'emmener de l'autre côté de l'horizon. J'aurais voulu bâtir des espaces, des hymnes dorés, enchantés, illuminés. Tu aurais pu jusqu'à te baigner dans les larmes, mon amour. De mon esclave, tu aurais pu être la reine de mes songes les plus ardents. Et pourtant, nous sommes là, tous les deux, sur ce lit allongé de part et d'autre. Il y a le vide entre nous deux. Chacun a pris possession de son camp. Les armées sont tout devant. Regardez-vous, je voudrais tous les matins me hisser. Mais hélas, je ne suis qu'un homme dans son humanité. Je te dirai que le capitaine a appelé la garde. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est ça? Découvrir la lumière. Espérer l'amour. Premier jour, découvrir la lumière sous mon corps enlé. Tu ne dis pas mon, tu ne dis pas, tu ne dis pas mon. Je voulais te dire que si fausse note et si poussé nous doit l'ennuyer, te dire qu'un jour on va se retrouver. Mais je n'y crois plus vraiment. Je voudrais ravaler ma langue et ravaler mes espoirs au tout temps. On s'est fourvoyé, on s'est trompé, on s'est ravalé, on s'est donné. On est trop loin, on est défait. À plus par le présent, on n'est plus rien. Le lit est au milieu du désert. Et toi tu sais très bien qu'on ne fera plus la paix. Découvrir la lumière, apaiser l'obscurité. Par terre. présent, voici Benjamin dit Bébli, qui est un fidèle de notre Radio Le Zinc. Toujours un petit mot sur notre page Facebook, toujours une petite attention. Il ne manque plus qu'à le voir en live. À bientôt, Benjamin. Attendre demain, sans but particulier, c'est quoi ce chemin? Apprendre à se détester, traumatisme crânien, traumatisme, je suis affecté, c'est quoi ce chemin? C'est quoi la finalité? Mais je suis fatigué et je ne dors plus. Mais je suis épuisé et je ne dors plus. Mais je suis fatigué et je ne dors plus. Répondre présent demain, tu sais, ça reste à prouver. C'est quoi ce pétrin? C'est quoi la finalité? Traumatisme crânien, traumatisme, je suis affecté. C'est quoi ce chemin? Apprendre à se détester. A été pour votre serviteur l'occasion d'ouvrir en très grand son horizon musical. En 123 numéros, j'ai découvert entre autres 21 Grammes, Agora Fidelio, Bancal Chéri, Cafar Palace, Daisy Box et autres Elista, pour ne citer que le début de l'alphabet. D'ailleurs, en parlant de Agora Fidelio, nous allons partager une époque formidable. Attention, second degré! Thank you. une époque formidable. On parle tout seul, on vit sur des écrans. Par la chaleur, on se cache, on meurt tout seul. On oublie ses parents, cerne l'histoire en pagaille. Le diable au corps, on douche pour oublier tous ces tresses fixes profonds. On fuit encore la semaine pour assumer l'Amérique. Ils sont loin, ils sont loin. L'Amérique, ils sont loin, ils sont loin. Ils sont loin de nous, ils sont loin. Ils sont loin de nous, ils sont loin. C'est le début d'autres siècles. Encore, on marche avec nos pieds comme avant, le cœur y est. On tue encore pour l'amour des enfants. On ne prêche que ceux qui croient. La guerre des corps pour soigner le dedans. C'est la marche avant les autres. On crie encore. On baisse pour oublier l'Amérique. Ils sont loin, ils sont loin. L'Amérique, ils sont loin, ils sont loin. C'est une époque formidable. On parle tout seul. N'oubliez pas, la règle de Radio Lozinc, c'est de vous offrir de nouveaux talents. Et là, tout de suite, en voilà un duo rock. Je les avais comparés un peu vite à The Inspector Clouseau, alors qu'en fait, ils en sont bien loin. Mais voici donc à présent Macadam, chanté par Cafard Palace. Oh, Vous êtes bien au 104.6 sur RVR en train d'écouter Radio Lozinc qui d'un pas de géant traverse l'Atlantique pour retrouver les Québécois de Don Anker. Des histoires et je pense à Alexis HK, le beau conteur, mais je pense aussi au Lyonnais découvert il y a quelques années à Champs-sur-Parole à Mably. Voici Erwan Pinard et son Impossible. Je reviendrai quand tu ne m'attendras plus, quand tu ne m'atteindras plus. Je reviendrai quand tu ne m'attendras plus, quand tu ne m'atteindras plus. Comme un quidam, comme un pecno, comme un olibrius, comme tous ces autres mots tombés en désuétude. Je reviendrai quand tu ne m'atteindras plus, quand tu ne m'attendras plus. témoin de Jéhovah qui vient frapper à ta porte un samedi matin. Ou le releveur de compteur d'électricité, qu'importe, qu'importe l'important. Je reviendrai te refourguer des calendriers et des brioches vendéennes. Je reviendrai, il faut que je revienne. C'est pourtant pas compliqué, mon Dieu, c'est la porte à côté. Là, juste derrière, j'espère que vous êtes bien calé dans votre fauteuil à écouter votre Radio Le Zinc. Et nous venons de profiter de deux instrumentaux. Le premier, c'était le I Love Liu de Dionysos, suivi à l'instant de la nacelle des Tite Nacelles, écrite par le chanteur à la bouche asymétrique, qui est d'ailleurs, je vous le rappelle, le compositeur de notre générique. Merci à lui, merci aux Tite Nacelles. Allez, notre heure musicale se termine. J'espère que Radio Le Zinc est votre alcool. Et dans ce cas, ok, vous pouvez devenir alcoolique, comme l'explique La Blanche. La Blanche arrive, Radio Le Zinc se ferme. Bis à messieurs, bis à mesdames.